Thank you. ouverte. Ça pour l'instant non, parce qu'il n'y a pas eu Non, mais non. Montre comment tu souris. C'est incroyable, le concert. Ah ouais, ouais. Ça te plaît? Ouais. Moi, je fais l'inventaire de voir s'il y a des pièces rares, voir si t'as gagné plus d'argent. Bravo. C'est trop bien, le concert à l'intérieur. Mais fonce. Tu fais de la brosse à dents sur ta guitare. C'est vrai? Ouais. Thank you. Thank you.